la maison du poète. J'aurais pensé à un colibri, mais c'était un relié, reflété dans les miroirs du jour. Un oiseau de Méditerranée, je l'avais aperçu près des Gusargues en allant chez Jean Joubert. Après, on a parlé longuement de celui-ci. Il m'a questionné sur l'oiseau. Il le connaissait bien. Je lui ai dit qu'il me portait chance. On a rigolé un peu. Jean a évoqué le renard, celui qui se cache à deux pas de l'entrée du village. Ses gros yeux brillent dans la nuit, m'a-t-il dit. Là où il y a les ponts, à 200 mètres de la maison, elle est toujours ouverte aux passants. Tout le monde est le bienvenu, même la truie qui s'y promène, ainsi que le lapin, le hibou, la tortue. Denise connaît toute cette foule festive. Elle rigole beaucoup de tous ces invités qui sursautent, volent ou reniflent dans la cour de la maison.